Et on va continuer cette étude merveilleuse. Cette semaine, Denise avait une amie qui a passé un livre pour que je puisse le lire et lui dire qu'est-ce que j'en pense. Et le livre était écrit avec une optique, il était présenté avec une optique pour la santé, comment avoir une meilleure santé. Et c'est un livre avec la pensée Nouvel Âge, où est-ce qu'on est en partie des dieux, on fait partie de Dieu, du grand Dieu. Et elle dit que si on... Je sais pas, j'ai juste collé à peu près une 15-20 pages, mais la pensée, c'est que si tu crois cela et tu mets en pratique ce que c'est qu'elle enseigne, parce qu'elle enseigne à partir des lettres hébraïques, donc elle réinterprète la Bible dans un certain sens, mais elle essaie de trouver une solution au problème de l'humanité. Elle dit que ça a commencé par... Maintenant, elle était sur le bord de la mer, puis elle a vu toute la pollution dans ce monde, puis elle a eu un fardeau très pesant, c'est une femme, Marie-Elia. Elle a eu un grand fardeau pour faire de quoi pour la planète. Et la planète, mais c'était aussi l'être humain qui était dessus. De vouloir faire de quoi jusqu'à un certain point pour essayer de sauver un peu la planète. Puis elle a dit, la meilleure chose à faire, que je peux faire, pour sauver la planète, c'est de me changer moi-même. Si je peux me changer moi-même, je vais réussir à améliorer un petit peu. Et si je peux influencer d'autres à faire la même chose, donc, ça fait boule de neige. Et je me suis dit à moi-même, si tu ne connais pas la raison du problème, comment peux-tu vouloir résoudre le problème? Le problème de la santé humaine, ce n'est pas ce qu'il mange. Ce n'est pas ce qu'il fait ou l'exercice qu'il fait ou ne fait pas. Ce qui a amené la maladie dans le monde, ce qui a amené les problèmes dans le monde, c'est le péché. Tant aussi longtemps que tu n'as pas réglé le problème du péché, tu n'as pas réglé aucun problème. Tu vas juste changer le problème de place, peut-être. Peut-être tu penses l'avoir réglé, mais tout ce que tu as fait, c'est mettre un plaster parce que le bobo, il est encore là, le bobo. Ce matin, quand on a vu Jésus qui va enlever le péché du monde, en enlevant le péché, il va enlever tous les problèmes qui sont venus avec le péché. La maladie, la mort, les guerres, la pollution, tout va disparaître parce que le problème de l'humanité, ce n'est pas ce que l'homme a fait avec son char. Oui, ça pollue le char, il faut bien le farmer quand c'est le temps. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème de fond, c'est le péché de l'humanité. Et si tu ne parles pas de cela, tu n'as rien réglé. J'avais dit, si je pouvais parler avec la madame, je lui dirais, le problème, c'est toi et moi. Si tu veux régler le problème, il faut que tu règles ton problème puis mon problème. Une femme, une fois, qui m'a demandé, elle dit, pourquoi Dieu ne règle pas le problème de l'humanité? Pourquoi Dieu n'enlève pas le mal sur la terre? Savez-vous ce que j'ai répondu? Dis, veux-tu qu'il t'enlève? Parce que le problème sur la terre, c'est toi et c'est moi. Enlève les êtres humains, puis il n'y a plus de problème. C'est les êtres humains le problème. Parce que la terre a été créée parfaite, par un Dieu parfait. Et il a mis des hommes dessus, des femmes dessus, avec un libre arbitre. Ils ont décidé qu'ils ne feraient pas ce que Dieu a demandé, et ils ont venu tout briser le décor. Et Dieu savait très bien que l'homme ne pouvait pas réparer. Parce que depuis qu'on est pécheur, tout ce qu'on a fait, c'est de briser. On va toujours briser. On ne peut rien faire d'autre que briser, nous autres. C'est pour ça que Jésus est venu, pour réparer. Et l'Apocalypse, c'est la deuxième étape pour la réparation. La première fois qu'il est venu, il est mort sur la croix pour ôter le péché, comme on l'a vu tout à l'heure. Et quand il va revenir pour la deuxième fois, il va faire le ménage sur la planète. Il va régler ce que nous autres, on essaie de régler avec nos ci et nos ça, en tout cas, nos belles efforts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts. Tout simplement qu'il faut bien garder que nos efforts ne résoudront jamais le problème. Et Jésus va venir, puis lui, il va régler le problème à la fin des temps. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever le mal de sur la terre, ou dans le monde. Puis il va tout mettre ça dans un petit trou qu'on appelle l'enfer. On va voir un peu plus loin, il va prendre une grosse clé, puis il va tout barrer ça dans le fond. Je ne sais pas si c'est littéral ou si c'est symbolique, mais en tout cas, l'image est très claire. Il va tout mettre le mal dans un trou, il va barrer la porte pour l'éternité, c'est fini là. C'est pour ça que nous, même en participant à toutes sortes de programmes sociaux, il faut toujours se rappeler que le problème, on ne pourra jamais le résoudre. C'est le Seigneur Jésus qui va le résoudre. Et ce matin, on va, en continuant à lire l'Apocalypse, à l'étudier, on va continuer à voir comment Jésus va faire pour faire le ménage, pour enlever le mal, pour enlever le péché, et accomplir les promesses qu'il avait faites à son peuple de façon parfaite. Et l'image qui revient souvent dans l'Apocalypse, c'est la prostituée. Une prostituée, c'est quoi? Quand vous pensez au mot prostituée, quand vous voyez le mot prostituée dans votre tête, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous fermez les yeux, vous dites prostituée. Une prostituée, c'est quoi? OK, c'est quelqu'un qui se vend pour de l'argent. C'est de l'immoralité. Dans Proverbe 7, c'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et sans retenue, ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, elle l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture et de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. » Ça, c'est la prostituée, humainement parlant. C'est quelqu'un qui te fait miroiter le bonheur. C'est quelqu'un qui te dit qu'il va te rendre heureux. Viens avec moi et je vais te donner une nuit que tu n'oublieras jamais. Mais dans le fond, la vérité, si on lirait le restant des proverbes, les proverbes disent qu'elle va te tuer, elle va t'emmener dans le séjour des morts. Et ce n'est pas pour rien que Dieu va prendre la prostituée comme image de la fausse religion. La prostituée dans l'Apocalypse, c'est la femme ou la grande prostituée. C'est elle qui est l'image de ce qui est contraire à la vérité, contraire à ce que Jésus a enseigné. Et toutes les religions du monde séduisent, mettent des beaux habits comme la prostituée, se parfument, et pour attirer le regard et attraper les hommes et les femmes de ce monde, les tromper, leur promettant la joie et le bonheur et la paix, mais finalement les tuent dans leur piège. Et c'est la prostituée. Et la prostituée dans l'Ancien Testament c'était une image d'idolâtrie. On va lire quelques versets ensemble. Quelqu'un qui veut lire Deutéronome 31:16. Surtout quand il dit « il se prostituera aux dieux étrangers ». La prostitution dans la Bible du peuple d'Israël, c'est que Dieu montre Israël qui va vers des prostituées. Ça veut dire qu'il se détourne de la vérité de Dieu, de l'enseignement de Dieu, et va vers d'autres dieux. Il appelle ça une prostituée, la prostitution. Jude 2, 17. Et dans Jérémie 3, 1. Lorsqu'un homme dit sa femme, quelle est devenue la femme d'un autre? Cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu reviendrais à moi, dit l'Éternel? Ici, il est en train de dire que l'Israël s'est prostitué non pas à seulement qu'à un, fausse religion, mais à plusieurs. Qui veut lire Jérémie 3, 3? Donc, toutes ces images, tous ces versets, et si on avait le temps, on pourrait en lire bien d'autres dans l'Ancien Testament. Je vous lis ça pour juste vous dire que c'est une image qu'Israël connaît depuis des millénaires. Les prophètes ont averti Israël depuis des millénaires par cette image, tu t'es prostitué en allant vers d'autres amants. Même il dit ailleurs, je t'ai donné de l'argent, je t'ai donné de l'or, je t'ai donné des pierres précieuses, je t'ai donné des beaux habits, mais dis, t'as pris ce que je t'ai donné et tu t'es payé des prostituées avec ça. Et je dis, je t'ai béni de toutes sortes de grandes bénédictions. Tu t'en es pas servi pour me remercier, tu t'en es servi pour me tromper. Ça, c'est l'image de l'être humain. De tout être humain qui n'est pas tourné vers Dieu. Dieu les a mis sur la terre, Dieu les a donné un monde dans lequel ils pouvaient vivre, à manger, tout ce qu'on a autour de nous que Dieu nous a donné. Et au lieu de bénir Dieu pour tout cela, on prend ce qu'il nous a donné, puis on se prostitue à d'autres dieux. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir Israël. Israël fait toutes sortes de conneries. Et Dieu laisse passer. Dieu est patient. Jusqu'au moment quand il se prostitue, quand Israël se tourne vers d'autres dieux, Dieu ne pardonne jamais. Et je vais t'emmener en esclavage, tu vas mourir. Dieu peut accepter bien les affaires, mais la prostitution religieuse, jamais. Toute personne qui se tourne vers un autre dieu, pour quoi que ce soit, pour son salut ou pour sa vie, il ne sera jamais sauvé. Il faut que je me tourne vers Dieu. Et le sacrifice est l'anneau de Dieu enfant. Dans le livre de cette femme-là qui m'a passé hier, cette semaine, elle disait, peu importe, comment tu l'appelles, l'être suprême qui est en toi. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Je me disais, tu viens donc citer à mon message demain matin. Dieu, il ne dit pas, peu importe quel Dieu tu adores, ça n'a pas d'importance. Peu importe, ça n'a pas d'importance. Non, Dieu dit, c'est moi ou rien. C'est moi ou la mort. Dans les chapitres qu'on va lire ensemble ce matin, on va donner à cette femme-là, cette grande prostituée-là, quatre noms. On va l'appeler la grande prostituée, on va l'appeler la femme, on va l'appeler aussi la grande Babylone, on va aussi l'appeler la grande ville. C'est toujours le même personnage. Parce que la grande Babylone, c'était la mer. C'était la place où on avait l'idolâtrie. Babylone, c'est là que Israël a été déporté. Puis Dieu les a emmenés là-bas comme punition parce qu'ils avaient été idolâtres. Et savez-vous ce qu'ils ont fait? Pendant qu'ils ont été à Babylone, ils ont embrassé l'idolâtrie plus que jamais. Au lieu de reconnaître que Dieu les punissait et qu'ils s'étaient trompés. Quand Dieu a dit, maintenant, si vous voulez retourner dans votre pays, 75 ans plus tard, il dit, si vous voulez retourner dans votre pays, il n'y a qu'une petite gang qui a tourné, ils n'ont jamais voulu retourner. Ils ont resté avec les autres. On est bien, cette là. On est prospère, la vie est belle, les dieux qu'on adore maintenant semblent nous donner la prospérité, ça va bien notre affaire, donc on reste sept. Maman a voulu retourner. Ça, c'est juste le temps-là de monter leur cœur, n'est-ce pas? Leur cœur appartenait à l'idolâtrie, et Dieu, c'est ça qui va vous arriver. Ce qu'on va voir dans le chapitre 17 et 18 ce matin, on devrait avoir le temps de lire les deux tranquillement. Parce que c'est un grand tableau qu'il faut regarder quasiment dans son ensemble pour comprendre. Il va juger la grande prostituée. On va voir qu'il va tuer, il va détruire la grande prostituée. Jésus, quand il va venir, il va mettre une fin à toute forme de religion, à toute forme de rituel religieux. Alors, ça va se faire dans différentes étapes. La semaine passée, il y a deux semaines, j'étais. Oh, plus que ça, c'est une couple de mois, je pense. Ça fait longtemps que j'avais arrêté d'aller au gym, mais c'est quoi, je ne filais pas bien. Je parlais avec un homme qui était là une fois, je lui ai dit, un jour, il va y avoir un gouvernement mondial, qu'on appelle. Puis il va y avoir une religion mondiale. Et il dit, la religion va être mise à une place très grande. Et parce que le mouvement politique va l'appuyer pour la mettre en place. Mais je vais dire un secret, peut-être, tu ne sais pas. Mais quand le gouvernement mondial va être en place et va avoir planté bien comme il faut ses racines, la première chose qu'il va faire, c'est de tuer le système religieux. Il va tuer la grande prostituée. Il va se débarrasser de toute forme de religion. Vous allez voir. Ce n'est pas Dieu qui va commencer par s'en défaire. C'est le mouvement humain va détruire toute forme de religion dans le monde. Il va enlever ça. Parce que derrière la bête qu'on va voir ce matin, il y a la première bête. Et derrière la première bête, il y a le dragon. Et le dragon, c'est Satan. Satan, tout ce qu'il veut, c'est. Il ne veut pas que tu adores une statue. Il veut que tu l'adores lui. Donc, il va enlever toute forme de religion pour que tout le monde l'adore, lui. Pas d'autre. On va regarder ça ensemble. Chapitre 17, verset 1. On va lire le verset 1 et 2 ensemble. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole et disant, « Viens. » Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici de cette femme-là? C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et la débauche ici, ce n'est pas une débauche physique, c'est une débauche spirituelle. Le mot dans le grec, c'est le mot porno, qui vient, que donc notre mot français, pornographie, vient. Il dit, tu t'es livré à la pornographie avec les rois de la terre. Tous les rois de la terre ont fait une alliance avec les religions du monde. Ils se sont mis ensemble, politique et religion, pour gagner le contrôle de l'humanité. Je disais ça l'autre jour au gym. Je dis, il y a juste deux façons de contrôler le monde. La politique et la religion. Juste deux façons. Si vous regarderez dans différents pays, qui dirige les pays qui ont un grand pouvoir? Des hommes politiques ou des hommes religieux? Mahomet, Bouddha, Krishna, Fidel Castro, Hitler, tous ces hommes-là, c'est des grands hommes politiques qui contrôlent la masse, souvent avec l'armée, des fois. Et tu as des gens très religieux comme Gandhi, qui contrôlent des millions d'hommes, qui suivent partout. Puis aujourd'hui, parce qu'il est décédé, et qui suivent sa philosophie. Dans notre constitution et dans notre façon de posséder les baptistes, nous disons, nous croyons à la séparation de l'État de l'Église. Ça veut dire que le gouvernement, c'est une chose, et l'Église, c'est une autre chose. On ne veut pas faire alliance les deux ensemble. C'est séparé, parce qu'on a reçu deux mandats séparés de la part de Dieu. Le gouvernement a reçu un mandat de Dieu, et l'Église a reçu un mandat de Dieu. Et malheur, quand les deux se mettent ensemble, c'est toujours la catastrophe. Toujours la catastrophe. Et vous souvenez, ceux qui ont vécu au Québec des années 50-60, Duplessis et l'Église, ça a fait des catastrophes au Québec. On a ramassé les orphelins de Duplessis avec ça. Parce que les deux étaient de pair. Ce que le maire décidait, il fallait qu'il décide ça avec le curé. Ça, ça marche ensemble. Le curé avait tellement de pouvoir qu'il pouvait changer ton nom, même si tu ne voulais pas. On mettait ça ensemble. Et regardez dans l'histoire de la Bible, dans l'Ancien Testament, aussitôt que tu mettais les deux ensemble, religion et politique ensemble, ça faisait toujours des catastrophes. Et vous vous souvenez de la grande statue de Daniel? Les pieds, c'est un alliage de deux choses qui ne doivent pas s'allier. Du fer et de l'argile. Deux choses qui ne peuvent pas être mises ensemble. Deux choses qui sont contradictoires. Deux choses qui ne devraient pas se mettre ensemble, mais finalement qui vont être mises ensemble. Moi, je crois personnellement que c'est la religion et la politique qui vont se mettre ensemble, qui vont prendre un pouvoir sur la terre. Juste pour un temps. Les rois de la terre font une alliance avec la grande prostituée pour contrôler les hommes et les femmes du monde. Ils vont les pousser à la débauche spirituelle. La première raison pourquoi Dieu va détruire la grande Babylone ou la grande prostituée, c'est parce qu'elle a entraîné les rois de la terre à la prostitution spirituelle. Je vous ai déjà demandé, je me suis posé la question souvent, il y a quelques années, Gorbatchev, qui était le premier ministre de la Russie, je m'étais toujours demandé qu'est-ce qu'il va faire à Rome, parler avec le pape, qui est le dirigeant de l'Église catholique. Gorbatchev est complètement athée. Il dirige un pays complètement athée, qui nie la présence de Dieu, qui nie l'existence de Dieu. Comment ça, ils se réunissent ensemble? Je vous ai demandé pourquoi les grands chefs politiques de ce monde sont toujours à Rome en train de parler avec le pape quelque part. Pourquoi ça ne vous interroge pas? Il y a quelque chose à quelque part qui se passe. À quelque part, ça se passe. Il y a une espèce de magouille, comme dirait mon père. On est en train de vouloir former une alliance entre les religions du monde et la politique. L'homme pense qu'il va résoudre ses problèmes de guerre et de famine et de difficultés en faisant alliance entre les religions et la politique, et faire un pays, une religion, un monde, et là on va arrêter d'avoir des guerres parce qu'on est tous sur la même direction. Mais la Bible nous dit non. Et comment est-ce qu'ils vont réussir à emmener tout ça ensemble? Le monsieur, que je parlais au gym, il dit, « Mais non, François, ça n'arrivera jamais, ça se peut pas, il y a bien trop de différences. On ne se ressemble pas, il y a bien trop de différences entre les pays et entre les religions. » Tu penses? Je dis, pas sûr que ça. Il n'y a pas tellement des années, le dernier pape qui est décédé, c'était marqué dans le journal, qui avait célébré une messe avec des musulmans, des hindous, des juifs orthodoxes, des protestants, tout ensemble dans la même salle, et le pape faisait une messe pour tout ce monde-là. Il dit, tu n'as pas vu ça? Il dit, moi, je me souviens de ça. Je n'avais jamais pensé que c'est ça que ça voulait dire. Mais c'est ça qu'on s'en va, mon gars. On est en train de rassembler tout le monde sur une même effigie. Il y a juste un Dieu, puis on adore tous le même Dieu. Laissons tomber nos différences, là. Aimons-nous. La doctrine, ce n'est pas si important. Juste un Dieu pour tout le monde. On est en train de faire de quoi? Je pense qu'on s'en va dans la direction que Dieu a dit. Il faut bien qu'on y aille dans cette direction-là, un moment donné, ou un autre. Dieu a dit une religion, une politique. Si c'est ça, si c'est à cet endroit que le monde va se terminer, il faut bien qu'on se dirige par là à un moment donné ou à un autre. Donc, il va la détruire, cette prostituée-là, cette grande ville-là, cette grande Babylone-là. Il va la détruire parce qu'elle est la cause de l'idolâtrie de ce monde, de la débauche de ce monde. Deuxième raison pourquoi il va la détruire, verset 3 jusqu'au verset 6. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une tête, une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est qui, ça? Cette bête écarlate-là, 7 têtes et 10 cornes, c'est la première bête. Hein? La première bête, c'est un dragon qui a donné son pouvoir à la première bête. La première bête donne du pouvoir à la deuxième bête, qui est la prostituée, la grande prostituée. Et elle est assise sur la première bête. Donc, il y a une alliance qui se fait ensemble. C'est la première bête qui porte la deuxième bête. Et la deuxième bête va dire d'adorer la première bête. C'est pour ça qu'ils font une alliance ensemble. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, des parées d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, Mystère. Un mystère. Babylone la Grande, la mère de quoi? Des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Il semble que Jean est étonné en regardant. Essayez pas de marquer un nom, là. J'ai lu des livres qui mettent cette grande prostituée-là, c'est l'Église catholique, d'autres disent non, c'est d'autres choses. Essayez pas de mettre un nom. Peu importe c'est qui, ça ne fait pas de différence. Mais ici, il dit, c'est cette femme-là, cette prostituée-là, cette grande Babylone-là, cette femme qui est assise sur la bête, c'est elle, la mère de toutes les prostituées du monde. Si vous lisez l'histoire ancienne, vous allez voir que Babylone a fait, de Babylone est sortie en grande partie toutes les fausses religions. D'où ça vient la première, le mot Babel? Babylone, Babel, même chose. Tout de même, ça vient ensemble. Babel, c'est quoi? C'est quoi le problème de Babel? C'est à quoi le péché de Babel? Non. De Dieu, oui. La tour de Babel, c'est pas parce que Dieu avait dit de ne pas bâtir une tour par les tours des nuages. Dieu s'en fout. Surtout qu'à moitié haute, on va finir par tomber un jour ou l'autre. Hein? Non. La tour de Babel, anciennement, on appelait ça des ziggourats. J'ai lu une ziggourate, ça s'appelle. J'ai écouté un documentaire la semaine passée au Canal Découverte, il parlait de ça justement. C'est des grosses pyramides, là, avec quatre escaliers qui montent au top. Dans le top, là, c'était assez haut, peut-être 200-300 pieds de hauteur. Et sur le top, il y avait un petit temple. Les gens croyaient que les dieux ne descendaient pas vers les hommes. Parce que les hommes étaient méchants. Et les hommes, ils montaient dans la tour et ils rencontraient les dieux sur le top de la tour, ils ont fait des sacrifices, là. Quand Dieu dit, tu ne t'offres pas de tour pour atteindre le ciel, il ne parlait pas des nuages, il parlait des divinités. Il dit, tu ne te feras pas de tour pour communiquer avec les dieux. Parce que moi, ton Dieu, je suis partout. Moi, ton Dieu, tu peux me rencontrer n'importe où. Moi, mon Dieu, je t'ai dit quoi ce que je voulais. Mais si tu te fais un tour pour parler avec des dieux, c'est de la prostitution, tu te vends à d'autres dieux. De Babel est sorti Babylone, de Babylone, toutes les fausses religions du monde. C'est là, à ce moment-là, dans le chapitre 11 de Genèse, que l'homme s'est détourné de Dieu pour aller embrasser toutes les religions du monde. C'est ça qui dit ça ici. De Babel est sorti toutes les fausses religions. Et automatiquement, il dit, t'es responsable, Babel. T'es responsable, Babylone, de tout cela. Et je vais te détruire à cause de ça. Ton jugement va venir à cause de ça. Juste une question de temps. C'est un temps où est-ce que les gens vont réaliser. Il dit qu'elle est la mère de cela et elle est responsable, elle, de la mort de tous les saints. de tous les enfants de Dieu, de tous les témoins de Jésus. C'est elle qui est responsable de cela. Derrière cette religion-là, c'est elle la cause. Vous savez, au Québec, si on n'a pas beaucoup de persécution présentement, c'est où la raison? Pas parce qu'on n'est pas des bons chrétiens ou qu'on est des meilleurs chrétiens ou peu importe, c'est pas ça la raison. C'est pourquoi? Parce que les gens ne sont plus religieux. Allez-vous-en dans un pays, en tant que chrétien, où ce que les gens sont très zélés pour leur religion, vous allez vous faire persécuter très fortement jusqu'à la mort. Dans les années 50, quand M. Héron est arrivé, M. Wellington est arrivé, pourquoi ils ont été persécutés et mis en prison? Parce que le Québec était très catholique. On allait à toute église, quasiment tous les jours, ou presque, tout était catholique en planche. Et quand ils étaient très zélés pour leur religion, donc ils ont persécuté ceux qui venaient pour faire amener la vérité. Et aller chez les musulmans aujourd'hui, aller dans les pays très, très musulmans, ils ont fait la même chose. Aller en Israël présentement, il y a des petites églises, de toutes petites, il faut qu'ils se cachent pour se réunir parce qu'ils sont très persécutés encore par les Juifs. Elle est la mère ou la cause ou la raison de la mort de tous les enfants de Dieu. Il dit, elle s'abreuve du sang, se nourrit de cela. Dieu dit, je vais te détruire à cause de ça. Vous savez que derrière la femme, derrière la bête, il y a le dragon. Et la guerre, la grande guerre se fait là, hein? C'est là que ça se passe, hein? Entre Dieu et le mal, entre le bien et le mal, entre Dieu et le dragon. La haine que les gens ont n'est pas vraiment une haine dirigée contre nous. C'est une haine dirigée contre Dieu. Je vous garantis, si vous êtes persécuté à cause de la foi, je vais vous donner un secret. Si vous ne voulez pas l'être, arrêtez de parler de Dieu, ça va être fait cette haine-là. Vous allez voir que ce n'est pas vous autres qui haïssent, c'est celui que vous représentez. Jésus a dit, celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, qui était Dieu. Si les gens se moquent, si les gens rient de vous, rient de moi, si les gens vous rejettent, c'est jamais de vous qu'ils le font. C'est de Dieu, ce que vous représentez. En même temps qu'ils disent qu'ils aiment Dieu, ils rejettent ceux qui l'en parlent. C'est contradictoire. D'abord, il dit, je vais te juger, te condamner parce que tu es la cause de la débauche des rois de la terre. Deuxièmement, je vais te détruire parce que tu es la cause de la mort de tous les enfants de Dieu. Et troisièmement, la complicité. À partir du verset 3, encore une fois, il y a une complicité entre la femme et la bête. Et Dieu veut juger la première bête, et comme il veut juger le dragon. Mais ils sont ensemble. Vu qu'il y a une alliance entre la deuxième bête et la première bête, il ne peut pas tuer un sans tuer l'autre. Il ne peut pas juger un sans juger l'autre. Parce qu'ils se font alliance entre les deux. Il y a une chimie entre les deux. Et donc, je crois qu'il faut comprendre ça. Ce que je trouve le intéressant, sur certains points depuis quelques années, c'est que les gens qui, il y a 20 ans, il y a 30 ans, nous condamnaient ouvertement, aujourd'hui, nous disent ouvertement qu'on est correct. Qu'on est correct. Dans le livre de cette personne-là, la personne écrivait, là je l'ai lu juste un petit bout, là, mais disait que il y a juste les foutus chrétiens qui sont le problème finalement. Elle ne disait pas ça comme ça. Il y a juste les chrétiens qui font des problèmes finalement. Parce que les chrétiens croient qu'ils sont les seuls à avoir la vérité. Pas les baptistes qu'elle parlait. Elle parle des chrétiens en général. Qui adorent Jésus, qui adorent Dieu. Parce que pour cette personne-là, Jésus était juste un autre maître, un autre grand maître. C'était pas Dieu fait chair. Donc, ces gens-là ont besoin de voir clair et que nous, on a besoin d'être convaincus que derrière toute cette façade-là de paix, d'harmonie, de joie, de bonheur, d'entraide, faut comprendre que derrière ça, c'est pas ça la réalité. Des fois, on peut se laisser attraper. Et on va voir, en continuant d'étudier, que Dieu va donner un avertissement à l'Église. Fais bien attention à comment tu joues avec la prostituée. À qui ça a été écrit, ça, ce livre-là? À cette Église, hein, qui existait. Les Églises à qui reçoivent le livre, il leur dit à deux ou trois d'entre eux, il y a dans ton sein déjà des Balaam, il y a déjà dans ton sein des disciples des Nicolaïtes, il y a déjà dans ton sein des gens qui enseignent les doctrines du diable. Mais nous venons. La prostituée s'est revêtue de ses plus beaux habits pour séduire même l'Église. Et beaucoup de gens dans l'Église, ça ne veut pas dire qu'ils sont de l'Église, mais qu'ils sont dans l'Église, veulent s'affilier avec l'Église. Je suis surpris, dernièrement, pas un peu dernièrement, il y a à peu près une dizaine d'années, je ne sais pas si vous avez été conscient, mais il y a quelqu'un qui avait écrit une lettre aux États-Unis, surtout aux États-Unis, avec les 10 grands hommes. Quasiment les 10 plus grands hommes évangéliques aux États-Unis, ou en tout cas, ça fait partie du monde évangélique et protestant, ont écrit une espèce d'entente, d'alliance, qu'ils évangéliseraient seulement les gens qui ne vont pas dans une église quelconque. Imaginez-vous là. Parce qu'il dit, ça, ils vont à une église, donc ils aiment Dieu. On va évangéliser juste ceux qui ne vont pas dans une église. Il faut faire attention. Une fois, on m'a invité dans un monde évangélique, ici au Québec. On m'a invité à participer à un grand mouvement d'évangélisation au Québec. Mais dans ça, ceux qui conseillaient, les gens qui avançaient en avant, pour les conseiller, pour amener à comprendre l'Évangile. Parmi ces gens-là qui avançaient, il y avait 250 conseillers. Là. Et là-dedans, il y avait des curés, des anglicans, des baptistes, il y avait des évangéliques, il y avait des pentecôtistes, il y avait des frères, il y avait toutes sortes de monde là-dedans. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si le gars avance pour se convertir, puis c'est un prêtre catholique qui dit pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Même dans le mouvement évangélique au Québec, on est rendu qu'on est prêt à s'affilier avec toutes sortes de monde. Au nom de Dieu, à quelque part, là. Dieu est là, là, c'est pas grave, Dieu est là. Attention. Attention avec quoi on va s'affilier. Faisons attention. Moi, j'ai dit à ce mouvement-là, j'ai dit, je suis pas capable. Je suis pas capable de me mettre côte à côte, prier avec un prêtre, moi. Dans ce sens-là, pour que le salut des gens, quand lui-même n'est même pas sauvé. De découvrir un petit peu l'identité de cette prostituée-là, parce qu'il va nous en donner, à partir du verset 7, on va lire. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Parce que Jean semble étonné. Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, s'étonnera en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés et 1 existe. L'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. et la bête qui était et qui n'est plus, et elle, même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Il les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles les prostituées est assise, ce sont des peuples, des foules et des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, et mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, parce que c'est les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et vous ici, il dit que c'est pas évident quand on lit, là, on se demande, il parle d'un monde politique de rois, des rois qui sont morts, des rois qui sont pas revenus, des rois qui étaient, la bête était blessée. Vous remarquez que les bêtes dans ce passage-là représentent des royaumes humains, hein? Représentent des mondes politiques. Pour comprendre un petit peu ça, il faut comprendre en même temps la pensée des Hébraïques. Dans l'Ancien Testament, quand Daniel fait ses rêves, le monde, l'histoire du monde est toujours représentée. La grande statue, ensuite ça par quatre bêtes. Il y a toujours des bêtes qui représentent, chaque bête représente un royaume. Quand on présente la statue de Daniel, parce que c'est facile à comprendre, il y a quatre grands royaumes. C'est quoi les quatre grands royaumes de la terre? Le premier, Nebuchadnezzar, Babylone. Okay? Le premier royaume, c'est Babylone. Le deuxième grand royaume, les Mèdes et les Perses. Le troisième grand royaume, les Grecs, avec Alexandre le Grand. Le quatrième grand royaume, les Romains. Et selon Daniel, c'est le dernier. Il n'y a pas d'autre après. Parce que la roche qui tombe de la montagne, qui est Jésus-Christ, elle tombe sur les pieds de l'Empire romain. Parce que l'Empire romain, ça part des genoux jusqu'aux pieds. Et la roche va tomber sur les pieds de la statue et finalement faire casser toute la statue. Cet empire romain-là qu'on croit morte depuis des siècles, elle n'est pas morte. Moi, je crois qu'on vit sous l'empire romain depuis que l'empire romain est là. Mais l'empire romain a changé sa façon de diriger avec Constantin. Avant Constantin, on dirigeait l'Empire romain par l'épée. Avec Constantin, on a commencé à contrôler l'Empire par la religion. C'est pour ça que l'Empire Constantin a fondé ce qu'on appelle l'Église catholique romaine. Le mot catholique veut dire quoi? Universelle. L'Église universelle romaine. Et à partir de ce moment-là, le monde a été dirigé par l'Église catholique à ce moment-là. J'ai lu de l'histoire à un moment donné où est-ce qu'on a convoqué le pape pour demander au pape de diviser le monde en deux. Il avait tellement de puissance politique, c'est lui qui dirigeait. Et vous, si vous regardez toute l'histoire des croisades et des guerres saintes en Europe et tout ça, c'est dirigé par qui? L'Église catholique. Et regardez encore l'histoire, vous allez voir qu'à un moment donné, il y avait deux papes. Un pape en France et un pape à Rome. Et là, c'était des guerres épouvantables partout en Europe à cause de ça. C'était l'Empire romain qui continuait, mais sous une autre forme. Il dit, ce qu'on croyait morte, c'est mon interprétation. J'ai dit, hein? L'Empire romain? C'est l'Empire romain qui revient à la vie, qui va prendre force, encore une fois, et commencer à contrôler le monde, encore une fois. Mais ça se fait aujourd'hui plutôt caché, plutôt en sournoise, comme on n'acceptait pas anciennement. Il dit, cette prostituée-là va ensemble faire alliance avec les rois, et Dieu va la détruire, va la juger, la condamner. Et vous remarquez que tous les rois de la terre qui ont fait alliance, Dieu a mis dans leur cœur de se revirer contre elle, ils vont la détruire. Et vous allez voir, on va voir la semaine prochaine, parce qu'il est déjà 11 heures, qu'ils vont la tuer. Savez-vous pourquoi? Pour s'accaparer de quoi? Son pouvoir. Mais il y a quelque chose en arrière de ça. Derrière toutes les fausses religions de la Bible, il y a toujours une autre chose qui vient avec. Cette femme-là, la prostituée, tout à l'heure, on a vu qu'elle était habillée de pourpre et d'or et de pierres précieuses. C'est toujours de la richesse. Derrière chaque, vous regardez tous les avertissements du Nouveau Testament quand ils disent faites attention aux faux prophètes. Ils vont toujours vous montrer que c'est une question d'argent avec. Et quand le monde politique va détruire l'Église universelle à ce moment-là, l'Église œcuménique à ce moment-là, ça va être en partie pour avoir ses richesses. Parce qu'elle est très riche. Elle est très riche. On serait surpris de ça si on devait évaluer la valeur monétaire des religions dans le monde aujourd'hui. Comment est-ce que les religions possèdent d'argent dans l'ensemble? Non, vous pensez qu'en personne? Moi, je vous dirais qu'ils possèdent à peu près la moitié du globe. La moitié du globe. La semaine prochaine, on va voir ça ensemble, que Dieu va la détruire. Cette femme, cette prostituée-là qui fait la guerre présentement à l'Église dans le monde entier. Donc, soyons sur nos gardes. Il va nous dire au chapitre 18, « Sors de Babylone, mes enfants, sortez de ça. Ne faites aucune alliance avec elle. » On va le voir ça la semaine prochaine. Il y a un avertissement très important de faire à l'Église à ce moment-là. Prions ensemble. Notre Père du ciel, des fois c'est un peu compliqué tout cela. Mais c'est l'histoire que tu as écrite. L'histoire de la fin des temps. Toutes ces religions du monde qui peuvent nous sembler à nous, êtres humains, des bonnes choses, font du bien, font des bonnes œuvres, font beaucoup de bénévolat, font beaucoup de toutes sortes de choses. Mais derrière ça, toi tu vois la réalité. Toutes ces religions amènent leurs adeptes à la perdition. Seigneur, donne-nous de l'intelligence, afin qu'on comprenne ces choses. Donne-nous de la sagesse, afin qu'on puisse discerner, Seigneur. Il faut aimer ces gens, il faut aller les atteindre pour toi. Mais il ne faut jamais faire alliance avec eux. Père, garde-nous, protège-nous. Tu connais nos faiblesses, tu connais notre misère. Et Seigneur, on a encore du temps, parce qu'on n'est pas en ce jour encore. On a encore du temps pour parler de toi. On a encore du temps pour proclamer l'Évangile. On a encore du temps pour que ton nom soit proclamé autour de nous. Peux-tu nous aider, Seigneur, à vivre comme des lumières cette semaine, dans nos familles, dans nos maisons, avec nos propres enfants. Que tu sois la priorité de nos vies. Que tu sois le centre de nos vies. Que les gens qui nous côtoient voient que Dieu est la chose la plus importante. Oh, comme c'est facile de s'éloigner. Oh, comme c'est facile de se laisser attirer par autre chose. Mais toutes ces choses doivent avoir juste un but. Glorifie notre Dieu. Aide-nous. Glorifie-toi. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous au chanteur de dernier cantique, si vous voulez bien.